Merci de rester fidèle à la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écho de ce journal. Voici tout de suite le sommaire. Pas de signe indiquant que le pays achemine vers la vision du président de la République, pays développé en 2060. Ce propos a été tenu par le président du parti APDR ce samedi lors de la célébration de 10 ans de ce parti. Et prendre même pied d'égalité que les autres, un enfant vivant avec handicap dans le partage des biens de la famille, c'est ce que demande l'Union des personnes handicapées du Burundi en marge de la célébration de la journée internationale dédiée à la personne handicapé le 3 décembre de chaque année, vous entendrez son président. Et la protection de l'environnement est une tâche qui revient à tous, sans distinction aucune. Les gardes forestières de la réserve naturelle de la Kibila du côté de Teza en sont une preuve. Vous suivrez un reportage de notre correspondant Patrick Nsengiyumva. Voilà pour le sommaire. Doré Bingabile, je suis à la présentation. Eric Wiman sur la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le parti APDR trouve qu'il y a encore des défis qui hantent différents secteurs du pays. Gabriel Banzawiton, des présidents de ce parti, estime que le pays ne peut pas atteindre son développement du moment qu'on parle encore de la corruption et de la mauvaise organisation des activités. Il l'a dit ce samedi lors de la célébration de 10 ans de ce parti. Gabriel Banzawiton recommande aux autorités de multiplier les efforts pour relever ces défis afin d'atteindre la vision du chef de l'État Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Suivez Gabriel Banzawiton, des présidents du parti APDR. On a constaté qu'à travers les organes dirigeants, que le pays a des problèmes dans tous les secteurs de la vie nationale, quel que soit dans l'éducation, dans l'économie, dans la gouvernance, dans l'ensemble aussi dans le développement. Nous trouvons qu'il y a un problème au niveau des secteurs économiques, au niveau des secteurs socio-culturels, et c'est pourquoi nous allons prendre un temps pour analyser ensemble les problèmes qui engloutissent le pays et pour dégager des recommandations que nous allons donner à qui de droit, puisqu'aujourd'hui nous ne comprenons pas presque la totalité des organes dirigeants émanent dans ces partis au sein des FDD. Même à ceux qui ont donné des postes, ce sont des postes qui ne prennent pas de décision. Donc les postes de prise de décision se trouvent toujours dans la main dans ces partis politiques au sein des FDD. On ne comprend pas pourquoi alors, aujourd'hui il y a un problème au niveau de ces gens, toujours caractérisés par la corruption, caractérisés par le non-développement du pays, alors que c'est en ces partis majorité qui gouverne. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prendre un temps pour dégager des recommandations à l'endroit des organes dirigeants en fait de voir comment sauver le pays. L'idée est bonne de projeter le Burundi émergent 2040, pays développé 2060, mais la perception du parti APDR, même dans 5 ans, si nous voulons mettre ensemble nos forces, même dans 5 ans, le pays Burundi devrait être un pays émergent. Mais aujourd'hui, nous craignons fort que cette vision peut-être qu'elle sera bafouée. Pourquoi? Il n'y a pas d'indices qui montrent normalement l'acheminement vers cette vision. Puisque jusqu'à maintenant, je vous ai dit que la Banque centrale vient de sortir en communiqué des que l'économie nationale est dans une situation inquiétante. Gabriel Banzawitonde, il est président du parti APDR. Et les femmes dirigent mieux que les hommes lorsqu'elles occupent des fonctions de responsabilité. Cela ressort d'une étude du politologue Dr Guillaume Ndaikengurutse, enseignant à l'Université du Burundi sur le pouvoir du leadership féminin, une étude commanditée par l'Union européenne. Selon ses recherches, les femmes sont moins intéressées aux intérêts personnels par rapport aux hommes. Dr Guillaume Ndaikengurutse indique toutefois que des défis s'observent encore, comme l'insuffisance des ressources pour s'engager activement en politique. Suivez-le. Le peu de femmes qui émergent sont vraiment des femmes modèles en termes de leadership et de gouvernance. C'est un des constats de notre étude. Il y a plusieurs raisons. Des entretiens que nous avons eus avec différents acteurs, y compris des cadres de l'État hommes, c'est que les femmes sont moins attachées à leurs intérêts personnels quand elles occupent des postes de responsabilité. Elles travaillent beaucoup plus pour l'intérêt général. Et puis, il y a ce sentiment que ce sont les femmes qui donnent la vie et donc elles restent attachées à la vie des autres aussi. Et essaient donc par conséquent de préserver leur communauté des conflits ou de tout ce qui peut perturber les communautés et attenter à la vie. L'un des plus grands défis, c'est effectivement la question de l'accès aux ressources. L'autonomie financière des femmes constitue toujours un grand obstacle pour leur participation. Mais aussi, un autre défi, c'est la question de la préparation de la jeune fille, future femme leader. Les filles évoluent dans des conditions difficiles. D'abord, à bas âge, elles évoluent sur des bases inégalitaires avec leurs frères garçons. Et du coup, ça inhibe en quelque sorte le leadership des femmes. D'ores et déjà, il faut que l'autonomisation de la femme soit un objectif si nous voulons de véritables femmes leaders. Et pourquoi pas leur permettre d'avoir un accès équitable à l'héritage. Et puis, il faut travailler sur les conditions de vie des jeunes filles. Il faut leur permettre d'évoluer de manière détendue, avec l'accès à toutes les ressources, pour que demain, elles puissent devenir de véritables leaders dont la société a besoin. Je vous l'avais dit dans les titres, des gardes forestières de la réserve naturelle de la Kibila du côté de Teza appellent d'autres femmes à leur emboîter le pas dans cette activité. Ils affirment que la protection de l'environnement est une tâche qui revient à tous, sans distinction de genre. Narcisse Hatungimana, chef du secteur Teza, trouve que la protection de la Kibila se ferait bien si les gardes forestiers étaient dotés des matériels de télécommunication et des jumelles pour pouvoir voir de loin. Patrick Nzengiyumba. Une de ces femmes gardes forestières de la réserve naturelle de la Kibila côté Teza, c'est Ndaishimie Mireille. Elle fait savoir qu'elle a commencé ses activités après avoir découvert que la protection de ces terres concerne tout le monde et les hommes et les femmes. L'autre, c'est Micheline Nkunzimana, une collègue à elle qui dit qu'il y a déjà une année qu'elle garde ses terres protégées et que d'ailleurs elle est en commun accord avec son mari quant à l'exercice de cette activité. Ces femmes gardes forestières de la Kibila appellent d'autres femmes à se joindre à elles pour exercer ensemble cette activité de la protection de l'environnement. D'après ces femmes, des femmes devraient se faire confiance et exercer des activités que jadis la société réservait aux hommes seuls. Des gardes forestiers collègues de ces gardes forestières de la Kibila côté Teza témoignent l'habileté et la bravoure de ces femmes dans la protection de ces terres protégées qu'est la Kibila. Ils demandent à d'autres femmes à se prendre d'engouement dans la protection de la réserve naturelle de la Kibila. La réserve naturelle de la Kibila côté Teza est gardée par 15 gardes forestiers dont c'est des femmes également. Narcisse Hatungimana, chef des gardes forestiers du secteur Teza, indique que son nombre est insuffisant. Et pour pallier provisoirement à ce problème, il demande que les gardes forestiers soient dotés de certains des matériels de communication, tels que les téléphones mobiles de type Motorola et des jumelles, en s'en servir en cas de besoin. Depuis la Kibila côté Teza en province Muramvya, Patrick Nsengiyumba pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumba. L'Union des personnes handicapées du Burundi demande aux familles de considérer un enfant vivant avec handicap comme les autres dans le partage des biens de la famille. En marge de la célébration de la journée internationale dédiée à la personne handicapée le 3 décembre de chaque année, Alexis Hatungimana, président et représentant légal de l'UPBH, lance un appel à toute personne vivant avec handicap à ne pas se discriminer. Suivez-le. Cette année 2023, sous le thème « INU dans l'action pour sauver et atteindre les objectifs du développement durable pour, avec et par les personnes handicapées ». La célébration est l'occasion de marquer un temps d'arrêt afin d'évaluer les progrès réalisés dans le domaine de la sécurité alimentaire, de l'accès à l'emploi, de l'inclusion et de la personne dans les plans de développement communautaire, de l'insertion sociale et économique des personnes handicapées et d'identifier les difficultés rencontrées afin d'envisager un avenir meilleur en tenant compte de nouveaux défis. L'État a donc l'obligation de prévoir des mesures appropriées visant la réduction des inégalités sociales pour une croissance soutenue, résiliente et inclusive. Nous recommandons ce qui suit. À l'État d'instruire aux structures décentralisées en matière foncière, de rendre les services fonciers et le comité de reconnaissance coordinée sensible à l'inclusion des personnes vivant avec handicap au moment de l'héritage. D'adapter des procédures foncières pour que les procédures soient accessibles pour les personnes vivant avec handicap. D'élaborer des politiques sectorielles qui tiennent compte des personnes vivant avec handicap, d'instaurer un texte de loi favorisant l'investissement des personnes handicapées, d'organiser des séances de mobilisation afin d'inciter les personnes vivant avec un handicap d'entreprendre des activités génératrices de revenus, d'organiser des séances de promouvoir le développement inclusif dans tous les secteurs, promouvoir la participation des personnes handicapées dans les services publics et privés. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro. En ligne, c'est sur www.isanganiro.org. Dans la suite de cette édition, les activités à l'école fondamentale de Mogalolan, commune Manda de la province de Bubanza, ont été perturbées ce vendredi par l'arrivée des policiers à cette école. Selon les témoins sur place, ils venaient enquêter sur une enseignante qui serait accusée d'avoir obligé un élève de sa classe à boire ses urines. Le directeur, qui donnait cours dans l'une des classes, a vidé les lieux et les enseignants qui sont restés ont momentanément arrêté le travail selon certains d'entre eux. Spes Caritas Cabagnana. C'était aux environs de 10 heures que ces personnes qui étaient avec des policiers sont arrivées à l'école fondamentale de Mugaruro en commune Manda. Le directeur qui donnait cours dans l'une des classes, quand il les a vus, est passé derrière la classe et a disparu. Selon les témoins sur place, les enseignants qui sont restés n'étaient pas tranquilles. Selon la même source, ils n'ont pas pu continuer à travailler. Les cours ont redémarré dans l'après-midi. Les sources sur place à Mugaruro indiquent que ces personnes enquêtaient à propos d'une enseignante qui est accusée d'avoir obligé à son élève à boire ses urines, mais aussi elle disait qu'elle venait voir les salles de classe endommagées par les pluies. Comme ces visiteurs n'ont pas pu trouver les responsables de l'école, ils y ont passé très peu de temps et sont partis. Le directeur de l'école fondamentale de Mugaruro, Niyonzima Fabrice, contacté au téléphone, n'a pas pu donner sa réaction. Spécialitas Kavanyana à Mugaruro pour la radio Isanganiro. Merci, Spes Dubanza. Dirigeons-nous en province Chibitoke où les cultivateurs de la commune Lugombo réclament les insecticides et les pompes pour pulvériser des produits sur leur culture. Le manque de ces éléments compromet l'application des orientations des agronomes culinaires et communaux en vue d'avoir une bonne récolte. Un avis qui est partagé par Alphonse Tuiseng, agronome communal de Lugombo, qui plaide en faveur de ces agriculteurs à faibles moyens financiers. Omer Ndouayo. La pulvérisation des champs de culture est la seule solution efficace pour éviter les pertes en cette période de fortes pluies où les cultures sont attaquées par des insectes. C'est du moins le conseil des responsables de l'agriculture dans la province de Chibitoke à l'endroit des agriculteurs. Béatrice Nyabenda, directeur du bureau provincial de l'agriculture et de l'élevage dans cette province du nord-ouest du pays, espère que les agriculteurs qui ont pulvérisé leurs champs auront de bonnes récoltes. Depuis que nous sommes informés de fortes pluies pour cette année, nous avons recommandé aux cultivateurs de pratiquer l'agriculture résistant aux pluies. Or, le haricot ne résiste pas ici chez nous à Chibitoke. C'est pour cela que nous exhortons aux cultivateurs de pulvériser leurs champs. Des conseils convaincants trouvent ces cultivateurs. Ils se lamentent néanmoins que les outils utilisés dans la pulvérisation sont chers et cela constitue un défi de taille. Nous exécutons les conseils de nos agronomes, mais les insecticides sont très chers. Les pompes, même, c'est pas moindre. Alphonse Tuisenge, agronome communal de Lugombo, trouve que l'État devrait intervenir pour rendre disponibles ces intrants agricoles. Les cultivateurs ont raison, parce que ces intrants agricoles sont chers. Nous demandons à l'État de les disponibiliser sur les collines, comme le fait pour la culture du café, afin de faciliter les cultivateurs. La plupart des champs de Lugombo sont constitués des cultures vivrières. Des fortes pluies qui s'observent ces derniers jours endommagent les champs, notamment le haricot qui jaunissent. Omer Ndouaé, en province de Makamba, ce sont les habitants de la sous-colline Chouza, en commune Mabanda, qui s'indignent contre l'État critique des ponts qui des rivières traversant cette localité. Le chef de cette sous-colline dit que ça fait 4 ans qu'il demande des bois d'eucalyptus pour les réaménager sans les obtenir, alors que selon lui, l'État y dispose un champ de 6 arbres. Il demande aux institutions habilitées de résoudre ce problème. L'administrateur de la commune Mabanda affirme qu'il a déjà consulté les services chargés de l'environnement au niveau provincial et promet que d'ici 2 semaines, cette question sera vidée. Élisée Kwizera. Celui-ci est Daniel Nyonsavye. Il est le chef de la sous-colline Chouza. C'est sur la colline Ruvuga, en commune Mabanda, dans la province de Makamba. Il déplore que 4 ans sont déjà terminés. Les habitants de cette sous-colline introduisent les demandes de points d'eucalyptus pour réaménager les ponts des rivières en mauvais état, donc à Vomo, Munyiriri, Kabago, Gisumo et Chouza, qui traversent cette localité maison. Alors qu'à cet endroit, l'État dispose d'un champ d'arbres de même type. En raison de ces ponts, cette autorité trouve impossible le développement de ses habitants, car ni la moto, ni le véhicule ne peut atteindre cette localité pour leur faciliter les déplacements tant que ces ponts ne sont pas encore bien aménagés. De même, les élèves aussi ont de la peine à traverser ces rivières lorsqu'ils y vont à l'école. Selon les sources sur place, les mêmes rivières ont déjà emporté la vie de 2 personnes Dans les années antérieures, Daniel Nyonsavye demande aux institutions habilitées de trouver solution à ce problème pour que ces rivières n'engendrent pas d'autres dégâts. L'administrateur de la commune de Mabanda, Jean-Béry Hatungimana, fait savoir qu'il est au courant de ce problème et qu'il a déjà consulté les services en charge de l'environnement dans la province de Makamba. Cet administratif promet la solution à ce problème d'ici 2 semaines, car il ne reste qu'à présenter à ses habitants les arbres qu'ils vont abattre pour cet usage. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Merci Élisée Kwizera. Et c'est par cette nouvelle de Makamba que nous mettons un point final à cette édition. Merci encore pour votre oreille attentive et fidèle. Doré Bengabile, j'étais à la présentation, pardon. Eric Ouimana a assuré la mise en onde. Je vous laisse avec Jean Bosco d'Ouimana. Il a lu la presse pour nous. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. La problématique des infrastructures scolaires face aux étudiants handicapés au Burundi constate la voix de l'enseignant. À la veille de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, célébrée ce dimanche 3 décembre 2023, ce journal a voulu comprendre comment vivre avec un handicap en milieu scolaire. Mais toujours est-il que toute facilité de vivre dépend du type et du degré d'infirmité, fait remarquer son confrère. L'UNESCO marque cette journée en 2023, autour du thème « Unis dans l'action pour sauver et réaliser les objectifs de développement durable pour, avec et par les personnes handicapées ». Les écoles devraient prendre à bras le corps ce thème développé cette année, suggère cet hebdomadaire de l'éducation. Tchankouzo, les enfants retirés de la rue vivent le calvaire, rapporte Burundi Echo. En effet, explique ce journal, l'État burundais a décidé de retirer de la rue les enfants en situation de rue. Une des alternatives envisageables est celle de les installer dans un centre d'accueil préparé en commune Mishiha de la province Tchankouzo pour leur apprendre notamment les métiers. Certains enfants, voire les adultes, ont été transférés dans ce centre il y a de cela 2 mois. Malheureusement, regrette son confrère, les enfants vivent dans des conditions précaires et ils ont besoin d'une assistance d'urgence. Par exemple, écrit-il, ils ne mangent pas assez, ils n'ont pas d'habits, leurs maisons d'habitation en shitting sont inadéquates. L'éditorialiste de cet hebdomadaire socio-économique trouve que c'est un problème insoluble. Burundi Echo note que tant que les parents ne prendront pas leurs responsabilités en main, rien ne va retirer de la rue les enfants en situation de rue, comme l'a tranché Christine Nahe, une des grandes figures de la protection des droits de l'enfant, lors d'une émission en synergie animée en décembre 2021. Profanation des tombes en commune Kanyosha, a constaté l'agence burundaise de presse, qui précise que les faits se déroulent au cimetière de Nyarunazi, en commune Kanyosha de la province Bujumbura, où des gens non identifiés viennent déterrer les croix sur les tombes, laissant certaines d'entre elles sur place, tandis que d'autres sont volées. Le secrétaire permanent de la commune Kanyosha Prudence Baranyikwa a indiqué à l'ABP que ce phénomène tient à cœur l'administration. Il a signalé en effet que des gens non identifiés déterrent les croix et vont les vendre. Par ailleurs, poursuit son quotidien, cette autorité a fait savoir que des gens sans moyens de survivre en mairie de Bujumbura viennent chercher des parcelles ou des maisons moins chères dans cette localité. Et parmi eux, il y en a qui usent de tous les moyens, y compris les plus malhonnêtes, pour survivre. L'administration communale exhorte tous les chefs de colline à sensibiliser la population et l'appeler à ne pas profaner les tombes qui constituent par essence des endroits sacrés dans le sens du respect des morts, conclut l'agence burundaise de presse. À l'occasion de la journée mondiale du sida, le 1er décembre de chaque année, NetPresse rapporte que les effectifs de ceux qui sont contaminés par cette maladie augmentent. Selon des personnels contactés par ce confrère et qui œuvrent dans le domaine de la santé, les populations n'ont plus peur de la pandémie du sida. La raison est que même atteints, les malades sont assistés gratuitement et sauf en cas d'accident, ils donnent l'impression d'être bien portants. Mais en plus, écrit toujours NetPresse, et c'est ce qu'ils admirent de plus, ils parviennent à procréer des enfants avec une bonne santé, dépourvus de cette maladie. Selon les mêmes sources, citées par ce quotidien en ligne, les citadins, essentiellement, ont beaucoup plus peur de la maladie du diabète que celle du sida. Et la première est pleine de conséquences et peut entraîner des complications de la vue, des reins et autres parties du corps, explique-t-il dans les colonnes de ce quotidien en ligne. Cependant, nuance-t-il, ils sont conscients que comme le sida, le diabète n'a pas de médicaments jusqu'à présent. Et ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.